Et nous sommes condamnés à envoyer des messages qui n'arrivent jamais. Bonsoir, 106.3, fréquence Paris, pluriel, c'est jeudi 20h30, c'est Zoom Écologie, et le deuxième jeudi du mois, c'est les vers solidaires. Alors comme le mois dernier, on va aborder une thématique qui est comme ça au départ, l'écologie, et en fait si, parce que pour moi l'écologie c'est être au monde, mais être au monde c'est aussi être avec les gens qui habitent ce monde. Donc la dernière fois on avait reçu Petit Déj à Flandre, et ce soir c'est un autre collectif que nous recevons, Paris d'Exil, avec Delphine et Sarah. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Qui a envie de me présenter Paris d'Exil, de vous deux? Tac tac, plouf plouf, c'est moi qui décide. Je vais le faire. Allez, donc, c'est parti Delphine. Alors en fait, Paris d'Exil, c'est une association qui est un collectif qui s'est formé sur les camps de Gare de l'Est et Stalingrad il y a plus de 2 ans, je crois, pendant l'été. En 2015. Et qui, en fait, s'est constitué en association l'année dernière, il y a à peu près 1 an, pour, en fait, parce qu'on avait envie de faire plus de plaidoyer et de pouvoir... un petit peu plus interpeller les institutions par rapport à ce qui se passe, parce qu'en fait, on s'occupe... Vas-y, continue. Oui, on s'occupe. Enfin, on est sur le terrain avec les exilés, okay, de différents pays. Alors nous, en fait, on fait spécialement partie de l'équipe mineure, c'est-à-dire qui s'occupe des mineurs isolés étrangers ou mineurs non accompagnés aujourd'hui. Okay. Et qui sont donc des jeunes qui arrivent en France et qui sont supposés être protégés par l'aide sociale à l'enfance, être pris en charge totalement, quelle que soit leur origine. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Voilà. Okay. Donc ça, on va développer un peu toute cette thématique ce soir, justement, sur les mineurs, sur quelle est la loi, qu'est-ce que devrait faire l'État français et qu'il ne fait pas, peut-être. Ou peut-être, voilà. On va parler de tout ça. Mais sur juste le démarrage de Paris d'Exil, c'est des Parisiens qui, en fait, voient les camps à Stalingrad et à Gare de l'Est et se disent qu'il faut faire quelque chose. Enfin, vous êtes arrivée quand dans ce collectif? Toi, Sarah, t'es arrivée quand dans ce collectif? Alors moi, je suis arrivée il y a à peu près, ça passe vite, à peu près 1 an et demi. Et en fait, c'est vrai, quand je suis arrivée, il y avait encore vraiment l'esprit du collectif et que je retrouve totalement aujourd'hui, où il n'y a pas forcément d'adhésion obligatoire. Et c'est vrai qu'on est assez libre, en fait, d'aider de la manière dont on peut, dont on le veut, sur la période qu'on souhaite. Il n'y a pas vraiment cet ancrage particulier qu'on peut avoir dans des grosses assos. Donc c'est vrai que ça, c'était un des points pour lesquels je me suis bien retrouvée dans le Paris d'Exil. Et en fait, c'est vrai que l'idée de l'association, comme disait Delphine, de pouvoir porter une voix plus large et faire plus pression sur les institutions, c'était l'une des motivations qu'ont eu les membres pour se constituer. Mais c'est vrai qu'on garde quand même encore cette forme de collectif qui est encore assez libre. Donc moi, ça fait à peu près 1 an et demi que je suis dessus. D'accord. Et toi, Delphine, t'es arrivée quand? Pareil? À peu près en même temps. Non, je suis arrivée... Bon, peut-être on ne se connaissait pas. En fait, moi, je connais Sarah depuis juin, je pense. Et moi, en fait, j'ai commencé en hébergeant un mineur à la maison. Okay. Et en fait, après quelques mois, j'ai... Y a des problèmes techniques. Non, il faudrait que tu sois juste un tout petit peu plus près du micro, comme ça, on t'entendrait mieux, je pense. Donc, voilà. J'ai commencé en hébergeant un mineur à la maison. Et après, en fait, je suis rentrée dans l'équipe qui coordonne. Voilà. Ok. Et oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même d'autres pôles à Paris d'exil. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui s'occupent des adultes, des demandeurs d'asile et bientôt des sans-papiers. Ok. Les familles aussi, on a un pôle assez actif sur les familles. Et puis on a un pôle aussi super actif sur tout ce qui est communication. Et... Donc c'est un peu les deux gros pans de Paris d'exil, à savoir le terrain, parce qu'on est beaucoup sur l'urgence, et en même temps avoir quand même se servir de toutes ces informations qui viennent du terrain pour porter une voix plus large, dont le petit logo qu'on a avec un petit pigeon qui crie, donc pour montrer qu'on est bienvenu de la rue et qu'on a bien vocation à porter une voix plus large. Et donc c'est pour ça qu'on est une association assez indépendante, on ne touche pas de subventions de l'État pour garder une certaine neutralité et pas à la fois critiquer un système qui pourrait, si on touchait des subventions en tout cas, nous permettre d'exister. Donc on est assez autonome, voilà. Oui, ça me paraît essentiel. C'est vrai que quand on va sur le site, il y a énormément de choses. Enfin, on voit qu'il y a, quand on veut agir par exemple, la ribambelle de choses qui sont possibles à faire sont assez impressionnantes. J'aime bien les collectifs qui, comme ça, proposent aux gens de trouver chaussures à leurs pieds et de savoir comment ils peuvent s'investir. Enfin, ce que tu disais tout à l'heure, là, comme je le veux, quand je le veux et tout ça. Quand on vient sur la question des mineurs, qu'est-ce qui vous a amené à vous occuper de cette question-là en particulier plutôt que des autres choses qu'il y a dans Paris d'exil ? Toi, Sarah, par exemple. Alors moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu commencer à donner des cours de français. Et au début, j'étais au BAM, donc qui est une autre association qui lutte aussi pour un accueil plus digne des personnes exilées sur le territoire français. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée au BAM, ils faisaient des binômes, des tandems, en fait, avec un non-francophone et un francophone pour les cours de français. Et en fait, quand je suis arrivée, j'étais trop jeune pour me mettre avec un adulte. Parce que j'ai commencé, j'avais tout juste 19 ans. Du coup, les filles du BAM m'ont dit « Bah écoute, ce serait peut-être mieux de te mettre en binôme avec un mineur. » Donc elles m'ont mis en contact avec un jeune. Et en fait, d'un seul coup, elles m'ont rappelé très paniquée en me disant « Non, mais c'est pas si simple que ça, c'est une thématique très compliquée, tu peux pas faire ça toute seule, c'est trop lourd à porter. » Et donc, elles m'ont redirigée vers les cours de français qui sont organisés donc, à Couronne pour les mineurs. Et elles m'ont dit, voilà, donc tu peux faire le binôme avec le jeune, mais en même temps, il faut que tu participes aux cours de français. C'est des cours qui sont exclusivement pour les mineurs isolés étrangers, deux fois par semaine, le jeudi et le vendredi matin. Et en fait, c'est comme ça que je suis rentrée dans la thématique des mineurs. À cause de mon âge, en fait. C'est assez paradoxal, mais voilà. Ok. Et toi, c'est parce que la première personne que tu as hébergée était un mineur ? Oui. En fait, moi, j'ai un peu cherché. Donc, moi, c'était l'été 2016. Et je cherchais un peu. Enfin, j'avais vraiment envie de donner un coup de main aux exilés. Donc, j'ai été sur les. Enfin, j'ai cherché. En fait, j'étais dans un café d'accueil que faisait le collectif qui, à l'époque, s'appelait le CPSE. Le collectif parisien de soutien aux exilés. Ok. Et donc, en fait, j'ai rencontré Baya. Qui m'a présenté les différentes choses qu'on pouvait faire. Et moi, au début, j'ai dit non, moi, je veux pas faire d'hébergement. Je trouve ça trop compliqué, trop intime. Puis en fait, après, je voyais passer tout le temps sur la page de soutien Facebook de ce collectif. Je voyais tout le temps passer des appels qui disaient il y a un jeune qui vient d'arriver, qui a 14 ans, qui a 13 ans, qui est à la rue. Si vous avez un canapé, vraiment, donnez-nous un coup de main. Puis en fait, je voyais passer ça, puis je me disais, mais j'ai un canapé, j'ai même deux canapés, quoi. Donc, voilà. Et donc, un jour, j'ai demandé, je leur ai proposé, je leur ai dit, bah oui, je vais essayer pendant 3-4 jours. Et puis, j'étais un peu flippée, parce que c'est souvent des garçons, quoi, dans 95% des cas. Donc, je me disais, bon, un adolescent qui arrive chez moi, tout ça. Donc, j'ai demandé à un copain de venir dormir à la maison. Okay. Et puis, j'ai vu Roman, qui fait partie de Paris d'Exil, m'amener Raïm à l'époque. À l'époque, qui avait 16 ans. Et voilà, j'ai vu Raïm, ses grands yeux bleus, son petit sac à dos qui m'a fait un petit sourire un peu timide. Et puis après, on s'est mis à rigoler. Et là, j'ai dit à mon pote, bon, ben, tu peux rentrer dormir chez toi. Et puis Raïm est resté chez moi 4 mois. En fait, j'ai fait une alternance avec une copine, en fait, où on le prenait chacune 10 jours. Et puis, lui, il a eu beaucoup de chance parce qu'il a pu partir en Angleterre, rejoindre sa famille, suite au démantèlement de Calais. Et ensuite, bah, j'ai commencé à héberger d'autres mineurs. Et au bout de quelques mois, c'est l'équipe qui coordonnait à l'époque l'hébergement qui m'a proposé de faire partie de l'équipe. Donc, bah, j'ai dit oui. Ok. Alors justement, pour bien comprendre pourquoi ces mineurs sont à la rue, il faut peut-être qu'on explique quel est le contexte juridique et légal de l'entrée des mineurs sur le territoire. Sarah, tu nous expliques un peu comment ça marche. Enfin, qu'est-ce qui se passe quand un mineur arrive sur le territoire français, en fait. Donc les mineurs, en fait, conformément aux conventions qu'on a signées, donc la Convention des droits de l'enfant, tout jeune en situation de danger, que ce soit un jeune qui ait la nationalité du pays où il se trouve ou non, doit être mis à l'abri jusqu'à ses 18 ans. Et ce, indépendamment de leur origine ou des raisons pour lesquelles ils ont quitté leur pays. Et en fait, en France, ce système-là est appliqué via les départements. Donc chaque département a l'obligation de mettre tout enfant en situation de danger ou de précarité extrême à l'abri jusqu'à sa majorité. Donc c'est exactement les mêmes dispositifs juridiques que pour les mineurs français, en fait, qui sont maltraités ou qui sont abandonnés par leur famille. Le département, pareil, les met dans des foyers, les prennent en charge. Et pour les mineurs isolés, c'est la même chose. On va dire qu'ils ont le droit aux mêmes choses que les Français. Normalement, ça, c'est la théorie. Après, ça, on vous expliquera la pratique. Ouais. Seulement, il y a une petite touche qui se rajoute, qui va être plutôt du droit des étrangers. Et donc, tout le travail autour de l'état civil et d'être capable de déterminer l'âge des jeunes qui s'y présentent. Du coup, les jeunes qui arrivent en France, ils doivent se présenter sur un premier dispositif départemental. À Paris, c'est le DEMI, le dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers. Et en fait, les jeunes doivent s'y présenter. Normalement, ils font l'objet d'une mise à l'abri pendant 15 jours. C'est encore les faits, mais une mise à l'abri, c'est dans un hôtel. C'est qu'ils arrivent et ils doivent prouver leur minorité. C'est ça qui se passe concrètement. Oui, parce qu'un mineur français, il donne sa carte et on sait voilà, qu'il a ça, 16 ans. Mais comme eux, voilà. C'est des étrangers, ils vont devoir prouver qu'ils ont réellement 16 ans. Okay. Et on n'évalue pas de la même manière une carte d'identité française qu'on évalue un document d'identité qui vient d'un pays étranger. Donc c'est vrai que ces jeunes-là, normalement, ils sont mis à l'abri 15 jours. Et après, au bout de 15 jours, normalement, ils passent un entretien d'évaluation avec des gens du bureau. Qui vont évaluer donc principalement c'est les motifs de départ, le parcours migratoire, la situation d'isolement en France, qui sont un peu donc c'est un entretien qui a pour but d'évaluer si le jeune a réellement l'âge qu'il allègue ou pas. Seulement ça crée des situations un peu complexes quand on constate que le département est à la fois la personne qui va juger le jeune et en même temps qui va devoir assurer la prise en charge. Donc on est un peu dans un système paradoxal où le département est à la fois juge et partie, ce qui du coup explique certaines pratiques qui sont en dehors du contexte que je viens d'expliquer. D'accord. Delphine, qu'est-ce que tu veux rajouter? Oui, parce qu'en fait, surtout sur ces évaluations, on s'aperçoit que globalement, ce que dit Sarah, c'est qu'on a quand même l'impression qu'il y a des quotas, ou qu'en tout cas, on a vraiment l'impression que lors des évaluations, tout est fait pour prouver que le jeune n'est pas mineur. C'est-à-dire que les arguments jouent très rarement en sa faveur, voire... À Paris, en fait, à l'issue de ces évaluations, il n'y en a que 15% à peu près qui sont pris au maximum. Donc ça veut dire que les 80 autres, on va douter de leur minorité. Ok. Et à ce moment-là, donc ils reçoivent une lettre type dans laquelle on leur dit des choses complètement dingues. En ce moment, la phrase type, c'est qu'en partant de son pays, il a fait preuve de beaucoup de maturité et que donc il ne peut pas être mineur. Donc en gros, à partir du moment où il est parti de chez lui, il n'est pas mineur. Or, on sait très bien qu'il y en a de nombreux puisqu'on les connaît bien. Et en fait, à l'issue de cette évaluation, il lui donne cette lettre de refus et là... Il n'a plus rien, c'est-à-dire qu'il n'a plus aucun droit. Il n'est pas majeur, donc il n'a pas le droit aux structures d'urgence pour majeur. Et il n'est pas mineur, donc il n'a pas le droit à une prise en charge mineure. Donc il peut faire quand même, il a quand même le droit de faire un recours auprès du juge des enfants pour demander une réévaluation de sa minorité, que le juge statue sur sa minorité. Mais en fait, ces processus prennent... beaucoup, beaucoup de temps, donc plusieurs mois, de 2 à 10 mois, enfin, okay. C'est à peu près ça. Donc en fait, ça si je comprends bien... Ouais, en général, c'est surtout sur Paris où on a un dispositif juridique qui est surchargé. C'est comme tu dis, ça va minimum 2 mois où ça peut aller, on a certains cas, jusqu'à 6 mois, parce que du coup, les juges parfois reconvoquent les jeunes, plusieurs audiences pour voilà, expertiser les documents, parfois il y a des tests osseux. Donc ça, c'est des procédures, comme tu dis, où ils ont le droit à rien du tout sur une longue période. Ils n'ont pas de statut, ils n'ont pas accès à la scolarisation, alors qu'il y en a la majorité de ceux qu'on connaît sont venus pour aller à l'école. Ils n'ont pas non plus le droit à avoir un toit, à prendre en charge leur manger, à vivre en fait, voilà. Tout simplement. Et ce que tu disais, c'est vrai que de plus en plus, on a des motifs de refus très subjectifs, comme tu dis, ça va être sur l'apparence physique du jeune, sur une attitude réservée qu'on considère qui est plutôt adulte. ça va être des choses assez hallucinantes, okay. Malheureusement. Sur le fait qu'il n'y a pas de photos sur le document d'identité, mais enfin, les documents d'identité qu'on leur demande, c'est des actes de naissance. Enfin, moi, je n'ai jamais vu de photos sur un acte de naissance français, par exemple. Tout à fait, ouais. Enfin, je sais, dans aucun autre pays. Si je comprends bien, en fait, on leur demande de prouver leur minorité, ce qu'on refuse dans 85% des cas, mais en même temps, les centres qui accueillent les adultes, eux disent, ah ben non, vous êtes mineur. C'est-à-dire que d'un côté, on dit, vous n'êtes pas mineur, et de l'autre côté, on dit, vous êtes mineur, et en fait, ça crée cette zone de non-droit où, en fait, ils ont le droit à... Ils n'ont droit à rien. Ils sont, c'est vraiment parmi les plus vulnérables des exilés, c'est-à-dire que c'est complètement dingue parce que c'est des adolescents. Oui, en plus, c'est des mais plus jeunes. Mais ils ont encore moins de droits que les autres, quoi. Enfin, ils n'ont rien. Mais c'est quoi qui justifie, par exemple, que les centres pour adultes ne les acceptent pas ? Enfin, eux, ils vont dire quoi ? Vous êtes trop jeunes pour venir dans notre centre ? C'est ça qu'ils disent ? Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui... Déjà, il y en a beaucoup qui sont en procédure devant le juge des enfants. Donc ça paraît contradictoire de présenter un dispositif adulte en même temps demander à ce qu'on... Est-ce qu'on identifie qu'on accepte leur minorité ? Et deuxièmement, c'est vrai que la plupart ont parfois des documents d'identité, comme tu disais, un acte de naissance, où là, la date de naissance ne correspond pas à un âge adulte. Donc, parfois, le 115 refuse de les prendre parce qu'on leur dit, nous, on ne fait que de l'hébergement d'adultes. Et aussi, ça pose un gros problème dans le sens où c'est des jeunes qui vont être mélangés à des adultes qui sont très vulnérables, comme tu disais, et donc qui sont très influençables. Et je pense que ça pose aussi un problème qu'ils soient pas, qu'ils soient en plus d'être isolés au milieu d'adultes. Ok, d'accord. Et donc, c'est là que Paris d'Exil, enfin, en tout cas, le pôle mineur intervient, c'est... essayer de sortir de la rue ces mineurs. Oui. Enfin, pas que d'ailleurs. On essaye, il y a plusieurs associations qui sont sur le terrain. Nous, on essaye de... on fait plusieurs choses. Donc, on essaye de faire de l'hébergement solidaire, c'est-à-dire que c'est des gens qui accueillent un mineur chez eux, comme ce que j'ai fait et que je vous ai raconté tout à l'heure. La spécificité de Paris d'Exil, c'est qu'en fait, on organise le relais entre différents hébergeurs. C'est-à-dire que si un hébergeur nous dit « voilà, moi je peux une semaine », à l'issue de la semaine, on va lui confier un jeune, et à l'issue de cette semaine, on va chercher un nouvel hébergeur pour prendre le relais. Okay. Ce qui permet à des gens de se mobiliser alors qu'a priori, ils ne pensent pas pouvoir le faire. Enfin, c'est-à-dire, ils se disent, j'ai qu'une semaine, qu'est-ce que je fais ? Et ce qui permet aussi aux jeunes de ne pas retourner à la rue. Parce je comprends. Voilà, parce qu'il y a parfois des gens qui font de l'hébergement d'urgence, c'est-à-dire qu'ils vont dire, le jeune peut venir chez moi, prendre une douche, dormir une nuit, se reposer, et ensuite le jeune repart. Mais c'est quand même très inconfortable pour... Enfin, inconfortable, c'est pas le mot, très violent pour les jeunes retourner à la rue. Bien sûr. Pour les hébergeurs aussi. Et pour les hébergeurs, c'est insupportable. En fait, on a essayé de faire des choses comme ça à un moment, et en fait, on s'est rendu compte que personne n'y arrivait. C'est-à-dire que on ne peut pas remettre un enfant à la rue. C'est pas possible, en fait. Oui, je comprends. Ouais. Ouais. Donc voilà, on fait ça au niveau de l'hébergement. Après, on fait d'autres choses. C'est-à-dire que Sarah peut parler des cours de français. Ouais, ça, on en parlera. Ouais. Et on a aussi on donne aussi des activités. Parce que il faut bien se dire que ces jeunes, quand ils sont hébergés chez des hébergeurs citoyens, c'est déjà énorme et c'est vraiment, il y a des très belles choses qui se passent pendant les hébergements. Cela dit, ils sont quand même très désœuvrés, ils ont fait une route souvent très traumatisante pour arriver jusqu'ici, ils sont passés par... la Libye, souvent, ou alors par l'Espagne. Enfin, ils ont franchi la barrière à Melilla. Ils ont pris tous des bateaux. Donc, avec tout ce qu'on sait de la difficulté de cette route-là. Et quand c'est des Afghans, par exemple, ils sont passés par la route des Balkans, qui est aussi très violente. Donc voilà, ça dure longtemps. Ils ont dormi dans des campos, ils ont franchi des montagnes, ils ont dormi dans la rue, ils ont mendié. Ils ont... Enfin bon, vraiment, c'est une grosse galère. Ils ont souvent perdu des proches pendant la route. Et ils arrivent ici et, ben, par chance, quand on peut les héberger... Enfin, voilà, on peut déjà les héberger, mais après, ils ne font qu'attendre. Donc c'est vraiment difficile pour eux. Ouais. Et en fait, le moment où ils arrivent à Paris est quand même, à Paris ou en France, hein, est hyper difficile parce qu'ils s'imaginent qu'ils arrivent au bout de leur chemin et, qu'ils vont pouvoir se reposer un petit peu. Et en fait, c'est reparti. Donc c'est vraiment, il y a vraiment un truc sur l'accueil qui est terrible pour eux, quoi. Donc, et parce qu'ils ont une image de France particulière. Ouais. Ou pas. Je sais pas si c'est une image particulière, c'est juste qu'ils se sont donné l'objectif d'arriver ici, et en fait quand ils arrivent ici, ils sont pas accueillis en fait. Bah non. C'est même pas un mauvais accueil, c'est une absence totale. Il y en a plein qui se disent mais si j'avais su que c'était aussi difficile d'être dans l'attente constamment des mois dehors, surtout avec le temps qu'il fait, ça rajoute une difficulté à leur parcours. Ouais, ouais. Ouais, mais surtout quand t'imagines que t'es arrivé, ouais. On va faire une petite pause musicale et on va continuer cette discussion après. Je sais bien que rue Belleville, rien n'est fait pour moi, mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça. Si loin de mes antilopes, je marche tout bas. Marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Y'a un sac de plastique vert au bout de mon bras. Dans mon sac vert il y a de l'air, c'est déjà ça. Quand je danse en marchant dans ces jets là-bas, ça fait sourire les passants, c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. C'est déjà ça, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Déjà ça. Déjà. Pour vouloir la belle musique, soudain mon soudain, pour un air démocratique, on te casse les dents. Pour vouloir le monde parler, soudain mon soudain, suis de la parole échangée, on te casse les dents. Oh, et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Je suis assis rue Belleville, au milieu d'une foule, et là le temps est morphine, cool. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Alors, c'est toujours Fréquence Paris Pluriel 106.3. Ce soir, nous recevons Paris d'Exil. Oui, Sarah, pendant qu'on écoutait la musique, tu me disais que tu avais envie de parler d'une thématique en particulier. Je t'écoute. Oui, et du coup, c'était pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure de comment est-ce que les jeunes qui arrivent ici accèdent à une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. En fait, il y avait un point qui m'est revenu à l'esprit, qui n'est pas des moindres, qu'en ce moment, sur Paris, on a de plus en plus de rejets aux faciès. Donc, c'est des jeunes qui arrivent à Paris et qui, donc, comme on disait tout à l'heure, se présentent au dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers. Et en fait, une fois qu'ils s'y présentent, ils ne font pas l'objet d'une mise à l'abri comme le prévoient les textes et le prévoit la loi française, mais on les renvoie directement vers le dispositif de droit commun. Donc on leur dit, écoutez, on ne peut rien faire pour vous. Et puis, de toute façon, physiquement, vous n'avez pas l'air mineur. Donc voilà, ce sera pour une autre fois. Et en ce moment, sur Paris, c'est assez hallucinant. On a de plus en plus de jeunes qu'on voit qui sont dans cette position-là. Donc des jeunes qui n'ont même pas le droit de raconter leur histoire et de prouver en fait que l'âge qu'ils allèguent est le véritable. Et on a de plus en plus de jeunes qui se retrouvent directement à la rue dès qu'ils arrivent en fait, sans même pouvoir être mis à l'abri quelques jours. Donc c'est un point assez difficile, surtout pour les jeunes qui sont nés en 2001 ou 2002, où là c'est vrai qu'on a de plus en plus de cas sur Paris. Mais donc ça veut dire en fait qu'après ils peuvent même pas faire de recours, puisqu'en fait, on leur a pas signifié qu'ils étaient pas mineurs. Et donc, j'imagine, ça veut dire qu'ils passent complètement à côté de toute la case légale. Ouais, alors c'est une bonne question. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a plusieurs juges des enfants qui ont déjà écrit des lettres au demi en disant, voilà, c'est pas mon travail de procéder à la première évaluation, c'est le vôtre. Okay. Vous devez d'accueillir ces jeunes-là. Mais rien n'y fait. Il y a eu des réaccompagnements de diverses associations, dont l'ADJI, qui eux s'occupent essentiellement, enfin, c'est un gros travail, mais pour la plupart, ils s'occupent de tout l'aspect administratif et juridique. Okay. Parce que c'est vrai que quand on a 16 ans, qu'on est dans un pays qu'on ne connaît pas, se taper toute la procédure, les trucs administratifs, c'est assez lourd. Déjà, quand on est du pays, c'est dur. Alors... Voilà, ouais. Exact. Et en fait, le problème, c'est que rien n'y fait, ça ne fonctionne pas. Donc là, le juge des enfants accepte de plus en plus des recours sans qu'il y ait ce premier entretien d'évaluation. Okay. Donc là, on est totalement en marge de la loi et en marge de ce qui devrait être fait, mais c'est une pratique qui est acceptée parce que le demi ne fait pas l'entièreté des évaluations. Ouais. Ok, et quand on avait préparé l'émission, justement, Delphine, tu m'avais parlé de qui faisait ces entretiens, ce premier entretien de... justement de détermination de l'âge, quoi. Parce qu'en fait, c'est pas le département, c'est pas un service du département. C'est des évaluateurs. Enfin, là, en l'occurrence, c'est la Croix-Rouge qui a été mandatée, enfin, qui a dû accepter, je sais plus comment ça s'appelle, un appel d'offres. Un appel d'offres, et donc qui s'occupe des évaluations. Donc, les jeunes, d'ailleurs, disent « je vais à la Croix-Rouge pour me faire évaluer ». D'accord. Et donc, c'est des évaluateurs. Alors, justement, sur cette évaluation... nous, on voudrait vraiment que ça se passe différemment parce qu'en fait, c'est un entretien avec une personne dans des conditions qui sont quand même très stressantes pour le jeune parce qu'en gros, il sait que tout se joue là, quoi. Son avenir se joue là. Donc en fait, c'est pas du tout sur le long terme. Il faut qu'il se souvienne des dates. Enfin, je sais pas, si je te demande quel âge t'avais, enfin, en quelle année est-ce que t'es allé en CM2? Ouais, ça, je... Voilà. Bah, c'est le genre de questions qu'on leur pose. Okay. Donc, avec le parcours qu'ils font, c'est hyper difficile pour eux de se souvenir à quelle date ils étaient dans quel pays. Enfin, il y en a plein qui disent, j'avais même pas une montre pour savoir quelle heure il était, ou même pas enfin, j'avais rien pour savoir quel jour il était. Et puis, ils sont dans une dynamique, on peut pas leur demander de se souvenir précisément du jour, de la date, sur un voyage aussi... C'est difficile. Ouais. Oui, oui, moi, la semaine dernière, j'hébergeais un jeune qui a été en Libye, donc enfermé dans un camp. Et je lui disais, mais combien de temps t'es resté? Il me dit, mais je sais pas, on était dans un bâtiment, les fenêtres étaient fermées, on n'avait pas le droit de parler, on était 500. J'ai aucune idée du temps qu'on est resté là-dedans, quoi, par exemple. Et donc, oui. En fait, après, demander des dates, c'est quand même vraiment difficile. Voilà, en plus quand c'est des Africains en Afrique, on fête pas toujours les anniversaires, enfin, et on a quand même l'impression que les évaluateurs sont pas toujours au courant de la situation culturelle du jeune qui arrive et qui pourrait lui permettre de mieux comprendre et de mieux évaluer son âge, justement, Parce que, par exemple, moi, j'ai eu un retour d'un jeune qui m'a dit... l'évaluateur m'a dit... j'ai dit à l'évaluateur que j'avais travaillé quand j'étais petit, j'avais ciré des chaussures. Et il m'a dit non, tu n'es pas mineur parce qu'un enfant ne travaille pas. Bon, mais ça, c'est complètement délirant. En Afrique, et dans des pays... Et dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays, les enfants travaillent, quoi. Et c'est justement pour ça qu'ils partent, pour éviter ce genre de situation. Donc, voilà... Nous, on aimerait quand même... Enfin, on avait proposé des mesures... en fait, on a fait une pétition sur le site de la mairie de Paris, il y a presque un an, où en fait, il y a soi-disant une démocratie participative autour de ces pétitions, c'est-à-dire que toute pétition qui a plus de 5000 signatures de Parisiens... Ouais. Comment dire, ce qu'elle propose va passer au Conseil de Paris. Okay. Va être présenté au Conseil de Paris. Donc on a eu 6500 signatures. Donc on demandait une évaluation plus juste avec sur le long terme, avec enfin voilà, on était prêt à discuter de avec des gens qui connaissent vraiment les jeunes, okay, qui puissent voilà, les voir sur le long terme et évaluer un peu leur comportement, les voir dans un environnement qui est pas stressant pour eux. OK. Et en fait, au Conseil de Paris, ben voilà, comme ça devait passer, c'est passé. Sauf qu'en fait, pardon, c'est mon téléphone, c'est l'alarme. Ils ont fait une discussion autour de ce thème. Donc en fait, Anne Hidalgo a dit, la mairie de Paris a déjà fait beaucoup pour les mineurs isolés. Donc c'est un problème régalien. Donc je vais proposer une loi. Et voilà, on est passé à autre chose au Conseil de Paris. Enfin, ils sont passés à autre chose. Donc, ça n'a pas du tout... Enfin, on est vraiment en conflit avec la mairie sur ce sujet. OK. Parce que là, j'ai l'impression, effectivement, que c'est chacun se renvoie la balle de la responsabilité. C'est-à-dire, on voudrait que ça soit l'État. L'État dit, ben non, c'est le département. Enfin bon, le jeu habituel entre les administrations. Est-ce que, comme le dit Anne Hidalgo, la mairie de Paris fait beaucoup ? Bon, moi, j'imagine que c'est non, mais quel ouais, regard ça, portez-vous, en tout cas, sur l'action de la mairie de Paris, quoi. Ce qui est dommage, c'est que c'est un peu deux aspects qui se battent, en fait. Soit on prend cette question-là sous le volet de la minorité, de l'enfance en danger, comme c'est dans les textes et comme ça devrait l'être, parce que ce ne sont pas avant tout des migrants, ce sont des enfants, ce sont des jeunes. Soit on prend l'aspect, donc, comme l'a proposé Anne Hidalgo, qui est donc sur le volet de la migration. Et dans ce cas-là, effectivement, la migration est un des rôles régaliens de l'État, qui est géré l'ordre plutôt de la sécurité et donc du ministère de l'Intérieur. Et en fait, on va dire que c'est deux aspects, et nous, on lutte pour que ces jeunes soient dans le volet de l'enfance en danger et qu'ils ne se retrouvent pas dans des considérations gestion de flux, de sécurité intérieure ou autre. Et en fait, c'est un peu ces deux aspects-là qui s'opposent. Et comme tu disais, Delphine, je reprends, enfin, on pense vraiment que tout se joue sur ce premier dispositif d'accueil qui doit être pluridisciplinaire sur le long terme, qui doit effectivement mettre les jeunes dans un environnement où ils peuvent s'exprimer et où ils ne se sentent pas jugés. Mais on est contre le fait d'évaluer la minorité sur un entretien stressant où parfois il y a des problèmes de traduction flagrants également. Et on est aussi contre le fait d'évaluer la minorité sur un test osseux ou sur ce genre de choses qui est totalement aléatoire et qui est totalement dépassé. Et totalement dénoncé par le Conseil de l'Ordre des médecins. C'est-à-dire que le Conseil de l'Ordre des médecins a dit les tests osseux, c'est pas fiable, ça devrait vraiment pas être utilisé. Parce qu'en fait, on leur fait des tests osseux pour déterminer leur âge. Mais ça, c'est la Croix-Rouge ou c'est des étapes d'après ? Non, c'est plus tard. C'est plus tard, donc c'est le juge des enfants. C'est l'autorité de justice, qui peut le demander. D'accord. Voilà, mais donc ces tests osseux sont... qu'on utilise, mais qui en fait... En fait, il y a des évaluations qui peuvent être très, très... Des interprétations de ce test qui peuvent être très différentes. C'est-à-dire que moi, j'ai vu un jeune qui a eu deux évaluations différentes. Une dans laquelle on lui donnait 18 ans et demi et une dans laquelle on lui donnait 15 ans. Donc, ce qu'on dit en général, c'est qu'il y a un délai de 18 mois de marge d'erreur. En l'occurrence, c'était 3 ans et demi, quoi. Enfin, je pense qu'en fait, c'est pareil, les personnes qui vont évaluer ces tests osseux, il y a des évaluations partout, C'est très subjectif, quoi. Demander même s'il n'y a pas parfois des histoires de... Si on ne les pousse pas pour aller prendre la fourchette haute des évaluations. Ah bah, si c'est subjectif, c'est forcément sujet à une pression politique. Et puis, il y a certains pays européens qui ont interdit ces tests, qui sont totalement dépassés, qui viennent d'une époque où on n'a plus du tout les mêmes morphologies. Enfin, c'est encore aberrant. Et puis, on a des cas aussi atroces où des jeunes vont avoir un document d'identité authentifié. Donc, parce que tous les documents des jeunes passent d'abord au bureau des fraudes. Documentaire. Donc on a des cas où des jeunes ont le document dans l'acte de naissance authentifié. Par contre, il y a un test osseux qui va être négatif, donc leur donner un âge supérieur à 18 ans. Et certains juges vont faire prévaloir le test osseux. Tu vois, donc c'est des pratiques comme ça, même au sein de la justice, qui sont totalement aberrantes. Comment est-ce que je sais pas si par exemple je vous dis que j'ai 50 ans et que sur ma carte d'identité il y a écrit que j'en ai 25, on va plutôt croire ma carte d'identité plutôt que ce que je vous raconte. Mais dans la question des mineurs isolés étrangers, tous ces réflexes qu'on a sont vraiment inversés du fait que c'est des étrangers, quoi. Ouais, enfin tout ça, ce qu'on veut, c'est les faire sortir de cette case mineure qui en fait oblige l'État, quoi. Exact. Est-ce qu'on ne serait pas en droit d'attendre autre chose de la Croix-Rouge ? Moi, je trouve très étonnant de retrouver la Croix-Rouge à cet endroit-là. Enfin, c'est-à-dire que quelque part, moi, naïvement, j'aurais un gage de qualité sur ce qu'ils vont faire. Et en fait, quand j'entends la Croix-Rouge et les pratiques, je me dis, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce bordel, en fait ? Bah, c'est vrai que moi, l'autre fois, j'ai vu des gens qui faisaient la quête, des petits jeunes qui faisaient la quête pour la Croix-Rouge dans la rue et j'avais pas le temps, mais la prochaine fois, je vais les voir et je leur dis, écoutez, allez voir ce qui se passe demi, parce que vous défendez un organisme qui n'est pas très défendable sur certains points, quoi. Donc voilà, juste, c'est vrai que ce serait bien que les gens soient au courant. Bah oui. Big up à la Croix-Rouge, on va leur faire un costard. Non, mais il faut mettre ça en lumière, je pense que c'est important. C'est quand même des grosses assos qui ont un rôle à jouer. On est là pour dire aussi quand ça va pas, quoi. Je sais pas, vous voulez qu'on parle de quoi ? Non, mais on peut parler des cours, peut-être ? Des cours de français. Moi, j'avais adoré cette histoire aussi de comment ça se passe dans les bibliothèques, que les bibliothèques semblent être devenues des lieux particuliers dans Paris, des lieux d'accueil, des lieux qui sont presque les nouvelles des églises où on peut enfin se poser, être au chaud, lire. Parle-nous un peu de tout ça. Ouais, carrément, je rejoins totalement ce que tu dis. C'est devenu le sanctuaire où ils peuvent tous venir. On les évalue pas, ils viennent pas. Enfin, c'est vraiment, on est parti du principe où on accueillait tous les jeunes qui arrivaient, même si parfois on arrive à des situations où on est 80 jeunes sur place et une vingtaine d'intervenants. Donc c'est vrai que c'est des fois c'est assez dense, mais c'est des expériences humaines fantastiques. Enfin, il y a beaucoup de gens qui appréhendent, et une fois qu'on rentre en contact avec eux, ils sont d'une richesse impressionnante. Et c'est vrai que du coup, les cours de français ont lieu donc c'est les jeudis et les vendredis matin de 10h à midi. Et en fait, on n'est pas du tout des profs de français, on est juste des intervenants comme ça qui avons envie de donner du temps. Et en fait, on s'organise sur plusieurs groupes de niveaux qui sont un peu bricolés aux aléas du terrain. Ouais. Parce que ça correspond pas entre ceux qui... C'est plutôt du FLE, l'alphabétisation. Mais voilà, on est vraiment parti du principe d'un accueil de jour. Français, langue étrangère. C'est ça. Voilà. En fait, c'est pour les gens qui sont déjà allés à l'école. Exact. Qui ont donc déjà une petite pratique de l'apprentissage. Ouais. Et à qui donc on peut apprendre une langue étrangère, qui est le français. Et il y en a donc qui ne sont jamais allés à l'école, et là forcément la pédagogie est un peu différente, c'est ça hein ? Donc c'est un peu, voilà, on est plutôt un accueil de jour où les jeunes se posent de matinée, où ils pensent à rien d'autre que le français. Okay. Et donc ça fait des expériences assez, assez denses et riches en émotions. Ouais. Ok. Et comment vous êtes retrouvés dans les bibliothèques en fait ? En fait, c'est tout bête. C'était Julie qui était avant moi, qui a commencé donc à demander un peu dans les bibliothèques s'il y avait possibilité d'accueillir des jeunes. Et donc la bibliothèque de Couronne, vraiment une équipe géniale qui nous accueille à bras ouverts, qui font pas attention sur le nombre qu'on est, enfin on récupère toutes les tables, toutes les chaises qu'ils ont. Et ça se passe vraiment très bien, et ils leur font systématiquement une carte de bibliothèque à tous les jeunes qui viennent. Donc les jeunes, des fois même en semaine, quand il n'y a pas les cours, ils y vont, ils se posent, ils sont au chaud, ils peuvent lire et continuer en quelque sorte. Ouais, voilà, continuer à apprendre, en fait. C'est ce pourquoi ils sont venus, même si on ne leur offre pas cette possibilité. D'accord. Enfin, ouais, c'est beau ça. L'État ne leur offre pas cette possibilité. Nous, on essaye. Ouais, ben ouais. Non, mais j'imagine que ça, enfin, il y a même un côté assez symbolique d'une organisation qui leur donne une carte pour leur dire tu peux venir ici comme tout un chacun. Ouais, quoi. Et puis il y a certains jeunes qui en font une espèce de carte d'identité avec une petite photo et puis il y a le nom et prénom sur la carte de bibliothèque. Donc ça leur fait un petit document. Okay. Au moins un document qui va c'est être ça. Accepté. Ouais. C'est ça, un document avec une photo. J'ai vu aussi passer dans les besoins divers et variés de Paris d'Exil, il y avait toute cette question d'accompagnement, soit de prendre par la main ces mineurs et de les amener chez des hébergeurs, mais il y avait aussi toutes les questions de santé. Enfin, c'est quoi ce rôle d'accompagnant ? Ce rôle d'accompagnant, en fait, c'est assez simple. C'est qu'un jeune qui arrive à Paris, qui ne connaît pas du tout Paris, qui parfois ne sait pas lire, ben, c'est très très compliqué de s'orienter. Oui. Donc en fait, il suffit simplement dans un premier temps, ça peut être juste de l'accompagner dans le métro et de l'amener à destination. Ok. Chez l'hébergeur ou parfois chez l'avocat pour qu'il soit à l'heure, au palais de justice pour qu'il trouve le palais de justice. Et après, il y a un deuxième rôle qui est qu'on a aussi une équipe santé qui ne fait pas partie de Paris d'Exil, mais qui est indépendante, mais à qui on envoie tous les jeunes qui ont des problèmes de santé. Donc les hébergeurs nous disent, voilà, tel jeune a un problème de santé, on mobilise l'équipe santé qui va trouver des petits rendez-vous par-ci, par-là, qui connaît tous les circuits pour trouver des rendez-vous pour des jeunes qui sont hors du droit, on va dire. Et après, l'accompagnateur va l'accompagner à l'hôpital parce que là où il a rendez-vous. Ça peut aussi servir à expliquer ce qui se passe, à juste être là aussi pour qu'il rentre, pour qu'il soit accepté, pour qu'il rentre. Enfin, en gros, dès qu'il y a des discussions à avoir avec l'administration, ça se fait aussi beaucoup avec les adultes à la préfecture, c'est quand même bien qu'il y ait un Français qui parle, qui comprend un peu, qui peut un peu argumenter pour accompagner une personne exilée. Bah oui, de toute façon, on a tous été confrontés à des problèmes administratifs qui étaient déjà difficiles pour nous, donc on imagine bien que c'est... Et ça reste compliqué pour nous après un an et demi, hein, donc... Donc ouais, ça, c'est ça, simplement. Donc ça, c'est assez bien pour des soutiens qui ne peuvent pas s'investir énormément. Donc on a des listes d'accompagnateurs qu'on va mobiliser, comme ça, en disant, voilà, qui peut accompagner tel jeune à tel endroit aujourd'hui. Ok. Voilà. Ok, super. Petite pause musicale, et on revient. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand festin. Toi toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers le ciel, ô Père éternel. Oui, donc 106.3, fréquence Paris, pluriel. Il nous reste un quart d'heure. Oui, comme d'habitude, ça passe très très vite. Alors bon, c'est vrai que, bah, comme d'habitude, pendant les chansons, on discute. Et moi, naïvement, bah, je me disais, bah, voilà, une fois, si par miracle, ils font partie des 15% qui sont reconnus comme mineurs, je me dis, bah, là, ça y est, l'État français est magnanime. Viens, tu es mineur. Je vais m'occuper de toi. Mais apparemment, c'est pas non plus complètement comme ça que ça se passe. Alors non, effectivement, c'est pas si rose que ça. Déjà, il faut savoir que sur les 85 refusés au demi, il y en a quand même plus de la moitié qui sont reconnus mineurs par le juge des enfants. Donc ça montre encore à quel point le premier dispositif est quand même très défaillant. Bah, c'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié des jeunes qui étaient effectivement mineurs qui ont été dans une situation de danger extrême. Qui ont perdu du temps, quoi. C'est ça, qui ont perdu beaucoup de temps. Bah, ouais. Et en fait, le souci, on va dire, c'est qu'une fois qu'ils sont pris en charge, on constate, en tout cas sur les chiffres de l'association, des grosses discriminations et des grosses disparités entre la prise en charge des mineurs isolés étrangers et des mineurs donc nationaux. On ne retrouve pas du tout les mêmes allocations. On compte à peu près 35 euros la journée pour un mineur isolé, alors que pour un national, c'est plus du double. Mais ça, c'est l'argent que dépense l'argent par le journée. Département pour loger, accueillir. C'est ça, pour loger, d'accord. Pour prendre en charge. Okay. Donc les jeunes sont très souvent sur Paris, en tout cas dans des hôtels sociaux miteux, sans suivi éducatif. Donc c'est des jeunes qui sont totalement laissés pour compte, qui s'ils ont la chance de voir leur éducateur régulièrement et s'ils tombent sur un éducateur qui se sent concerné par leur cas, qui va s'occuper de les inscrire à l'école, de subvenir à leurs besoins, mais malheureusement ce n'est pas toujours le cas. Des fois on est encore obligé d'intervenir quand les jeunes sont pris en charge pour les inscrire à l'école et pour forcer pour qu'ils puissent accéder à l'éducation. Donc voilà, souvent ces jeunes-là sont dans des hôtels tout seuls, laissés pour compte. C'est des hôtels vraiment bas de gamme. Souvent, les départements, pour dépenser le moins possible, font des partenariats avec les restaurants du coin les moins chers. Donc en général, c'est le kebab ou alors le flunch pour les plus chanceux. Pour encore une fois diminuer le coût de la prise en charge. Donc c'est des jeunes qui vont manger... Des choses pas saines du tout à longueur de journée et qui se sentent, on en a beaucoup, qui se sentent vraiment très, très isolés et pour qui c'est difficile. Là, j'ai un jeune qui a été pris en charge il n'y a pas très longtemps et je suis en train de lutter pour qu'il reste à l'hôtel parce que donc, si jamais les jeunes partent, ils risquent de perdre la prise en charge. Et lui me disait clairement, enfin, jamais j'aurais pensé que c'était comme ça. Je suis tout seul. Dans l'hôtel où je suis, il n'y a que des adultes. Je ne connais personne. Je n'ai pas encore commencé l'école. Et c'est vrai que pour lui, c'était assez difficile de se retrouver. En fait, y en a qui regrettent l'hébergement solidaire parce qu'ils sont, c'est vrai qu'ils sont quand même dans un cadre plus agréable qu'un hôtel social. C'est terrible de passer à côté de cette richesse possible de ces gens, en fait. Enfin... C'est vrai, quand on parle institution, on ne dit pas beaucoup de choses gays. Bah ouais, ouais. Alors que, franchement, il y a une richesse et une joie incroyable à connaître ces jeunes, quoi. Vraiment. Et c'est même étonnant. Enfin, moi, j'en reviens pas à chaque fois de à quel point ils sont... résistants et joyeux au quotidien malgré la situation qu'ils affrontent, quoi. C'est, ouais. C'est très étonnant. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses où c'est quelque chose qui se force à avoir une posture, qui se force à avoir parce que je sais que quand on a hébergé un jeune quelques temps, même si nous on recommande vraiment de faire attention de ne pas poser de questions parce que en fait de ne pas forcer le jeune à se souvenir de choses qui sont potentiellement traumatisantes pour lui. Okay. Enfin c'est vrai quand on héberge un jeune plusieurs semaines, en général il y a un moment où il va avoir envie de se confier à J'imagine, vous, enfin ouais. Dans la plupart ouais. du temps. Et là, ça peut être assez difficile, ça peut être assez douloureux à recevoir aussi, parce qu'on prend conscience de l'ampleur des dégâts et de la difficulté des parcours qu'ils ont traversés, quoi. Mais sinon, au quotidien, enfin, c'est vraiment de la joie. C'est de la musique. Enfin, moi, j'ai dansé avec les jeunes que j'hébergeais. La semaine dernière, j'avais deux jeunes à la maison. On faisait la cuisine ensemble. Voilà, enfin, on rigolait. Vraiment, c'était encore une super semaine. Voilà, d'ailleurs, Sarah est venue manger il y a quelques jours à la maison. Et c'était Abou qui avait fait à manger et c'était délicieux, quoi. Parce que bah, lui, quand il était en Libye, justement, il a appris à faire la cuisine. Ok. Voilà, c'est des... Enfin, vraiment, faut les rencontrer. Je pense que c'est vraiment la barrière qu'on a, en tout cas par rapport à l'hébergement, et sans doute même par rapport aux cours de français, c'est qu'on a toujours peur de l'inconnu. C'est souvent ce qui se passe dans ce genre de cas. Ouais, donc on a peur de... On se dit, oh là là, ça va être compliqué, ils sont exilés, on ne les connaît pas, ils viennent de cultures différentes. Et bah, il faut juste les rencontrer, et cette barrière, elle tombe, en fait. Et on se retrouve avec des ados et des enfants. Quand on héberge, il y a souvent un moment où il y a un côté très enfantin qui revient aussi. D'accord. C'est-à-dire que... Moi, je sais que souvent, les jeunes que j'héberge, ils aiment bien que je les réveille, moi. OK. Ou que je propose café, thé, chocolat. Et en général, bah, c'est du chocolat. Enfin, okay. Y a vraiment des... Voilà, avec une grande maturité, vu le parcours qu'ils ont fait. Et que, enfin, voilà, on ne vivra jamais des choses comme ça, par chance. Et donc, ils ont une grande maturité. Ils sont très débrouillards. Enfin, c'est quand même un peu des héros, hein, avec le trajet qu'ils ont fait. Et de temps en temps, comme ça, quand ils peuvent un peu se reposer, hop, il y a un petit truc très enfantin qui remonte. Okay. Et c'est très beau de voir ça. Et toi, je voyais, tu regardais un peu des textos. En fait, tu es encore en contact avec plein des jeunes que tu as hébergés. En fait. Ouais, moi, je suis en contact avec plein de jeunes. Mais après, il y a aussi que moi, je suis un peu dans la coordination de l'équipe hébergement. Donc, ouais. J'en croise vraiment beaucoup. Et j'ai un peu fait appartement relais quand on manquait d'hébergeurs, voilà, quand okay. On n'a pas un hébergeur. Donc j'ai vraiment hébergé beaucoup de jeunes. J'en ai hébergé plus de 30, quoi. Ok. Donc, voilà. Mais oui, j'ai des nouvelles tous les jours, quoi. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Amadou, qui d'ailleurs peut-être écoute. Salut Amadou. Donc salut Amadou, si tu écoutes, voilà, qui est un jeune génial, quoi, qui est vraiment... En plus, extrêmement cultivé, extrêmement drôle. Enfin, voilà, il comprend toutes mes blagues que tout le monde ne comprend pas. et voilà, j'étais aux États-Unis, on parlait de Trump. Enfin, ils sont super au courant, pour certains, de la situation internationale. Enfin, parfois plus que moi. Voilà, Il est resté combien de temps chez toi, par exemple, Amadou? Bah, Amadou, il est resté très peu de temps. Hein. Je crois qu'il a habité chez moi quand j'étais pas là, parce que j'avais prêté mon appartement. Ok. Et donc pendant que j'étais en vacances. Mais sinon, je l'ai croisé à des spectacles. Et oui, il était passé à la maison pour que je fasse des photocopies de documents, un truc comme ça. Okay. Et en fait, voilà, on a accroché, on a sympathisé et on se donne des nouvelles comme ça. Après, il y en a dont je suis vraiment très proche, qui viennent chez moi, ben, je pense, toutes les semaines. Hein. Okay. Et c'est vrai que ma vie, elle a complètement changé, en fait. J'imagine, moi, depuis que je suis rentrée là-dedans, En fait, ma vie, elle est plus chaleureuse, quoi. J'ai des jeunes autour de moi qui sont, voilà, qui sont des enfants. Moi, j'ai pas d'enfants. C'est pas non plus, j'ai pas une position de mère, hein. C'est pas du tout ça. Mais c'est une position où, quand même, c'est un bonheur de les avoir, quoi. Okay. C'est un bonheur de les connaître. Enfin, voilà, aujourd'hui, j'ai parlé avec Raoul, qui finalement est scolarisé. Alors, il n'est pas encore pris en charge, mais il est scolarisé. Et il a fait un stage en mécanique la semaine dernière. Il est complètement passionné par ça. Enfin, c'est... Voilà, il répare tout ce qu'il y a chez moi. On va se promener en forêt. Enfin, voilà, c'est des très belles choses. Ok. Ouais, ça donne envie. Enfin, moi, ça me travaille. Hein. Je réfléchis à comment je peux faire... Les contacts de toute façon. Ouais, c'est ça. Maintenant, je sais qui aller voir, quoi. Mais non, moi là, je supporte plus d'écouter ces histoires et de regarder ça chez moi, quoi. Mais c'est quoi les besoins les plus urgents en ce moment? Bon, en plus avec le froid qu'il fait, j'imagine que c'est des canapés. Alors c'est des canapés, mais alors sur l'hébergement, en fait, il y a une chose assez belle qui est en train de se passer là avec ce grand froid. Ouais. C'est qu'en fait, il y a une telle absence de réaction des institutions. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu, je crois, 30 places qui ont été mises à disposition par la mairie de Paris. mais bon, champagne. Ouais, champagne. Enfin, ouais. Comme il y a 40 personnes dans la rue, 30 places. En fait, quelle générosité. Surtout qu'ils disent qu'il n'y a pas de mineurs dans la rue. C'est ce que dit la mairie. Hein. La mairie de Paris dit qu'il n'y a pas de mineurs dans la rue. Les 40, c'était les 40, c'était juste SDF, non, c'était ça. En fait, il y a eu tout un truc au début où ils ont dit, ok, on peut les prendre, mais il faut qu'ils disent qu'ils sont majeurs. Et finalement, ça a été, enfin, ce qui est complètement délirant, parce que ils ne sont pas majeurs. Donc, c'est Brésil. Voilà. Ouais. Et finalement, apparemment, ça a été abandonné quand même. Mais enfin, voilà, on a aussi beaucoup de propositions de gens qui nous disent, voilà, j'ai un canapé. Et lieux de culture aussi, tu me dis ça. Oui, il y a des lieux, il y a des. Les lieux de culture, tu m'avais dit. Ouais, il y a des lieux culturels qu'on proposait d'accueillir les jeunes chez eux dans la journée. Donc il y a le théâtre de la Colline et plusieurs autres lieux. Alors citons les gens qui sont citoyens. Hein. Ça, je trouve que pour le coup. Voilà, au niveau de... Après, sinon sur les associations, il y a Paris d'Exil, mais quand même il faut qu'on cite aussi les autres associations qui sont sur le terrain. Donc il y a Utopia. Il y a MSF qui a monté un centre à Pantin. Okay. Et après, il y a d'autres gens qui sont plus des indépendants et qui vont marauder, qui vont être dans la rue. Donc, nous, on travaille beaucoup avec Agathe Nadimi. La maraude, c'est quoi, en fait, pour les gens qui ne savent pas? La maraude, en fait, c'est tout simple. C'est aller dans la rue et aller au contact des gens. Pour les maraudes mineurs, c'est principalement... Je suis en train de faire ça en ce moment sur le site de Paris 8, qui est en ce moment occupé par les exilés. Ouais. En fait, du coup, je vais là-bas, je demande un peu qui est sur place, quels sont les exilés, est-ce qu'il y a des mineurs. Parce que les mineurs ont la bonne idée de se mélanger avec les adultes en pensant que la procédure adulte est mieux. Donc j'essaye de les récupérer en leur disant « Écoute, c'est une chance que tu sois mineur, en fait. Tu peux avoir beaucoup plus en théorie que les autres. » Et en fait, du coup, c'est un peu ça. Voilà. La maraude, ça va être d'aller les rencontrer, leur expliquer. Ça peut être juste des maraudes juridiques, donc leur expliquer leurs droits. Ou ça peut être des maraudes avec du matériel, donc leur amener des vêtements chauds, de quoi manger. Et en fait, principalement sur Paris d'Exil, quand on fait ce travail-là, on va s'occuper de récupérer les signalements des jeunes, donc les coordonnées basiques et leurs besoins, et ensuite les renvoyer vers les différents pôles de l'équipe. Donc par exemple, aujourd'hui, j'étais sur le site, j'ai rencontré un jeune tchadien qui est là depuis 2 mois et qui ne savait pas qu'il y avait une procédure spéciale mineure, donc je lui ai réexpliqué. Et donc là, il faudra que j'envoie son signalement pour sur les autres équipes. Et pareil, là, il y a une semaine, il y avait 2 jeunes Éthiopiens, dont un qui avait vraiment une tête de gamin, qui se mélangeait avec les adultes, qui les ont suivis à Paris 8. Et donc, je leur ai réexpliqué que c'était pas du tout les mêmes procédures que les adultes, qu'ils pouvaient aller à l'école... Et demander autre chose. Et donc, principalement, voilà, c'est un peu ça la maraude, en fait. C'est être vraiment sur le terrain, donc c'est assez lourd. Et en même temps, c'est une des bases, en fait, pour c'est indispensable. Les jeunes, ouais. C'est complètement indispensable. Oui, c'est là que ça se passe, de toute façon. On a 10 minutes de rab. Voilà. C'est ça, super. C'est ça, le alors, bah, du coup, je vais donner les noms des lieux culturels qui accueillent les jeunes en journée. Ouais. Donc, il y a le centre Paris Anime Kensaro. OK. Ça, c'est les centres de la Ligue de Paris, La Ligue de l'enseignement. Qui se sont proposés eux-mêmes, en fait. Okay. Il y a une lettre en ce moment de comédiens et de metteurs en scène qui disent qu'en fait, ils veulent bien donner des ateliers de théâtre, etc. Mais qu'en fait, quand on rencontre justement des exilés, y a des liens qui se créent et que du coup, les remettre à la rue derrière, c'est insupportable et qui demandent qu'il y ait vraiment aujourd'hui une réelle prise en compte de ces choses-là, quoi. C'est-à-dire qu'on comprenne ça. Enfin, que les institutions comprennent qu'il y a des personnes en face d'elles, enfin, des humains, quoi. Pas des numéros, pas des vilains migrants qui vont nous envahir et prendre beaucoup de place. Donc, je continue sur mes centres. Ouais, donc, le centre Paris Anime Kensaro, c'est 60 rue Buzinval. Il y a un concert le vendredi soir où les jeunes sont invités. Okay. Il y a le centre Louis Lumière. Alors, c'est seulement le vendredi et le samedi pour une dizaine de jeunes. En ce moment, le centre Louis Lumière, il accueille aussi 20 mineurs tous les soirs depuis qu'il fait froid, enfin depuis hier. Donc on peut envoyer des mineurs là-bas pour dormir. Ok. Et aussi, après, il y a le théâtre de la colline, en fait. Aujourd'hui, à 14h, ils ont commencé à accueillir des jeunes. Il y a une salle de jeu à leur disposition dans la journée. Ok. Voilà. Moi, j'ai fait des posts sur plusieurs groupes sur lesquels je suis pour appeler justement à l'hébergement. J'ai eu quelques retours, pas beaucoup. J'ai eu un retour aussi sur une question d'argent, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui me dit, mais à qui je peux donner ? Est-ce qu'à Paris d'Exil... Oui, Paris d'Exil a un compte. Okay. Là, on a eu vraiment des propositions assez étonnantes, des gens qui proposaient de payer une semaine d'hôtel solidaire. D'accord. Alors, bon, moi, en fait, je voudrais aussi un peu parler de ça, c'est que là, il fait très froid et que donc c'est vraiment super, toutes ces propositions, la collaboration entre les différents soutiens sur le terrain. Enfin, moi, ça me touche beaucoup, en fait, qu'on arrive à se mobiliser comme ça dans l'urgence. Mais en fait, dans une semaine, quand il fera moins froid, ces jeunes, ils seront toujours à la rue. Bien sûr. Et du coup, les gens qui nous proposent 3 nuits, là, en ce moment, en fait, on en a presque trop parce que... Voilà, parce qu'on a réussi à les caser, ceux qu'on connaissait, enfin, qu'on voit. Okay. Mais on aura besoin de relais dans une semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois, à moins que tout d'un coup, il y ait un miracle qui se passe et que les institutions disent qu'elles ouvrent des lieux d'hébergement pour les jeunes. Mais ça sera toujours insupportable dans 15 jours, même s'il fait 5 degrés au lieu de moins 3, okay, d'avoir un jeune à la rue. Donc voilà. T'as une inquiétude sur le fait que là les gens se mobilisent parce qu'il fait froid mais que ça retombe après. Oui, j'ai une petite inquiétude. Enfin, je voudrais en fait être plutôt dans l'espoir et me dire que les gens vont continuer à nous proposer, ou en tout cas que les propositions qu'il y a maintenant, que les gens comprennent qu'éventuellement on va pas les mobiliser maintenant, mais qu'ils puissent continuer à faire ces propositions quand il fera un tout petit peu moins froid. Ok. Parce que c'est une énorme aide vraiment qu'ils peuvent faire à ces jeunes de pouvoir les faire héberger. Ouais. Enfin, c'est essentiel. Et puis la crainte, c'est de pas fermer le robinet après et de les remettre dehors, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est que là, si on commence à mettre des jeunes à l'abri le soir où il neige et que le lendemain on leur dit il neige plus, nous on a plus de place en hébergement solidaire. Enfin, c'est difficile quand même. Mm-hmm. Voilà. On a aussi besoin d'ailleurs. Enfin là, en ce moment, c'est tellement l'ébullition qu'on a besoin de soutien qui nous aide pour coordonner un peu tout ça. Faire des accompagnements, justement, voir entrer dans l'équipe pour nous aider à coordonner les hébergements citoyens, parce que c'est pas une mince affaire, ça prend beaucoup de temps. Et on est tous bénévoles, en fait, dans l'association, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire. Et oui. C'est qu'on fait tout ça en parallèle de notre travail ou de nos études. Donc, voilà. Donc, c'est bien si on l'aide. La meilleure manière de rentrer en contact avec vous, c'est Facebook, c'est le site internet de l'ASOS. C'est quoi, ça marche, le site internet. Facebook, c'est le plus simple, c'est-à-dire qu'il y a une page Paris d'Exil tout court, et il y a aussi un groupe Paris d'Exil mineur auquel il faut demander à rentrer. C'est un groupe fermé, mais on accepte tout le monde, en fait, quasiment. Après... Il n'y a pas de test, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de test. Tout le monde est pris, il n'y a pas d'évaluation. Il n'y a pas d'évaluation. 100% des gens qui demandent, très bien. Sinon, moi je m'appelle Delphine Dufriche sur Facebook. Il y a aussi Catherine Larré qui peut être sollicitée pour les hébergements. Ok. Pour les cours de français, je ne sais pas. Pour les cours de français, pareil, la page Facebook. Sinon, moi je m'appelle Sarah Emery. Donc, pareil, vous pouvez me contacter sur Facebook. Et puis, sinon, comme tu disais, il y a le site internet aussi de Paris d'Exil qui est. ParisDExil.org. Ouais, qui s'occupe en fait de centraliser un peu les propositions des gens qui ont envie d'aider. Et puis nous, derrière, on s'occupe de recontacter. Donc ça fonctionne aussi très bien. C'est vrai que des fois, ça fait un peu peur de se lancer. On se dit, est-ce que j'aurai le temps ? Est-ce que de toute façon, c'est lourd à porter, tout ça ? Et une fois qu'on est dedans, on se rend compte que c'est juste une question d'organisation et que même une matinée dans une semaine,